Just a big time to shout at you. Retrouvez-nous 36, quasiment 10. On vous garantira tous les suisses. Moi, Greta, je suis une spécialiste des matières plastiques. Latex en tout genre, caoutchouc élastique, fraise, banane et capote électrique. Nous sommes les putains de Charleville. Et ta fritaille est à votre service. Retrouvez-nous en 6, 15, 6, 10. On vous garantira tous les supplices. Charleville, Greta, Frida, Yota, à votre service.